place sur les contacts avec les flashs. On monte les marches avec du style, même qu'on crache, on prend le rap par le collet. La Young Jill MC Raw, on se complète. On est associés, on est collègues. La vérité qui pend aux lèvres, comme la balle qui fend dans l'air. On tue le rap de merde, on l'enterre loin dans le désert. On est dernier de notre race, on est le désert. On vient faire le ménage, on vient tout remettre à l'écart. Ça coûte ta mère, les dernières gouttes du sang des vrais. Ça sent l'éther, on est le tonnerre après l'éclair. On voit les croyants aux prières. La musique qui reflète comment on vit et le public qui se voit dans le reflet aussi. On prend le rap par le collet, on a des associés et des collègues. On vient pour rassasier et la foule. On vous laisse les rêves, on va prendre toutes les règles. Ils nous poussent des ailes pour qu'on vous traîne des airs. On prend le rap par le collet, on a des associés et des collègues. On vient pour rassasier et la foule. On vous laisse les rêves, on va prendre toutes les règles. Ils nous poussent des ailes pour qu'on vous traîne des airs. C'est à cause que le rap est dead, que moi et mon collègue, on est de retour dans la game, tu nous connais. On prend le rap au collet pour être correct, on est collègues, man. On collecte ce que nos cœurs s'aiment et respecte que les gens aiment. Les textes qu'on avait dans tête, en quête, devenir une légende. À mes débuts, quand j'étais jeune, j'avais qu'un tape deck. Un lion de jungle et la chance d'être au Québec. Ok, mec, pas joyeux d'être un gangster. Une vedette sur un poster. J'essaie qu'on me teste mes astres. Je détecte de loin l'imposteur. Mais je reste le même poète qui fume des joints et des Benson. C'est le retour de l'équipe dans le beat pour que l'équipe puisse dire qu'en 2010, c'est le retour des deux kings. On prend le rap par le collet. On a des associés et des collègues. On vient pour rassasier et la foule. On vous laisse les rêves. On reprend toutes les règles. Ils nous poussent des ailes pour qu'on vous traîne des airs. On prend le rap par le collet. On a des associés et des collègues. On vient pour rassasier et la foule. On vous laisse les rêves. On reprend toutes les règles. Ils nous poussent des ailes pour qu'on vous traîne des airs. Ayo! Rappelez-nous en 2004, man, on est back! On est back! La Young Jill MC Raw! On prend le rap par le volet.